ici. J'aime quand tu souris et rien n'est prédit. J'aime être sans toi pour les mêmes raisons. J'aime te voir faiblir quand je suis sans merci. J'aime quand tu t'assoupis et que je me languis. J'aime quand la pluie du matin nous réveille en même temps et qu'un brouillard nous éloigne par moments. J'aime quand je conduis et que tu me suis. J'aime, je l'avoue, son contraire aussi. S'accomplir, être soi. J'aime te voir mentir pour mieux me revenir. J'aime, je te l'avoue, le contraire aussi.